de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, plein de bonnes choses, dont une belle surprise pour moi, un disque que j'attendais depuis longtemps, le nouveau Sylvan, qui aura pour titre One to Zero. Le disque est censé paraître en avril ou fin avril, début mai, je pense. Ce sera le 10e album pour cette formation allemande qu'on a eu le plaisir de voir dans le cadre de Terra Incognita en 2016. Toute une performance, je pense que plusieurs sont restés, ébahis par cette prestation. Ce sera suivi d'un extrait d'un prochain album de la formation italienne Odessa. C'est le troisième extrait que Lorenzo m'envoie d'un album qui aura pour titre L'Alba della Civita. Et il paraîtra l'automne prochain. Ce sera suivi d'Anders Boas, guitariste norvégien, qui nous a déjà proposé une trilogie de Witches of Finnmark. Les disques sont parus en 2017, 2018 et 2019. Cette fois-ci, on écoute un extrait de son album qui devrait paraître bientôt, de Tarot. Et autre nouveauté italienne, Karma Moy, qui nous arrive avec un nouvel album qui a pour titre Room 101. Sans plus tarder, on y va avec Sylvan, un extrait de l'album One to Zero. Once born to wing hope, once destined for esperance, a promise I never gave. Tell me I'm running away. Tell me I'm running away. Tell me running away. Finally, it's up to me. And now, with that burden of soul, we're still by your side. I'm sorry, this way I can't go. Running away. Yeah. scared I can't recall. What we were before this war. Through these

CKRL. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. J'ai pas pu résister à la tentation de vous présenter un second extrait de l'album de Sylvan, le tout nouvel album de Sylvan, 1-2-0. Donc, on va y aller avec une seconde pièce. Un album qui doit paraître en mai, le 28 mai. Et pour être exact, donc on est un petit peu en avance, mais c'est toujours plaisant de vous donner un avant-goût avant. Un album concept, tout comme Posthumous Silence ou Home. Et puis, on note la présence comme invité de Cale Wallner et Yogi Lang, tous deux membres de RPVL, la formation allemande, qui incidemment gère aussi la maison de disques de Sylvan. Et le disque va être disponible aussi en double disque vinyle. Je pense que ça va intéresser plusieurs. Ça sera suivi de Archangel Third Warning, un projet italien du claviériste Gabriele Manzini, un musicien qu'on a connu à l'époque de The Watch et a contribué aux albums Ghost et Vacuum avant de quitter pour former le groupe UB Mayor. Et bien là, ça, c'est son projet, on pourrait dire, plus personnel. Archangel, troisième album, le premier paru en 2009, le second en 2013, et le troisième, Third Warning, c'est bien approprié comme titre, qui vient tout juste d'être lancé il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, mais enfin, c'est récent, c'est ce qui est le plus récent. Et après ça, ben, on va conclure cette demi-heure avec une formation française que j'avoue, j'avais vraiment pas vu passer. Et j'adore l'album Edenia, et l'album a pour titre Silence. Et ben, on y va avec Sylvan, avec un grand plaisir. Un groupe que j'ai beaucoup aimé recevoir dans le cadre de Terrain Incognita, et je pense que tous ceux qui étaient présents ce soir-là s'en rappellent avec un grand sourire. Donc, Sylvan, de leur album 1-2-0. I swear I see, I see God. Yes, I believed and made me fly all my life. But now I flew. All I can grieve, and you will follow. Why do you be fooled and taunt me? Should it suit now that I see you're not my source, just part of me? When I lived without a heart, without pain, but with my marks to this turn. Lies in memory, it's buried deep, but still part of me. Share it. Look at me. mountains you have to climb higher and higher. Listen to me, I'll train your mind. Tomorrow's another day. Listen to me. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je m'intéresse beaucoup au système d'interaction qui se crée entre les installations que je mets en espace puis l'architecture des lieux de diffusion. L'artiste en art visuel Annie Charland-Thibaudeau transforme la pierre pour mieux raconter le territoire. Je pense qu'on cherche tous à créer des espaces ou appartenir à des espaces, puis ça se traduit toujours d'une façon qui est différente d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ça s'affranchit beaucoup par la rencontre. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. CKRL 89.1. À Québec. Pour notre tout dernier bloc, on aura en ouverture Martin Offord, claviériste, ex-claviériste du groupe IQ. Il a été aussi membre de Jadis. Et on retrouve d'ailleurs des musiciens de IQ, Arena, John Spock's Beard et John Wetton aussi, car Martin Offord l'a accompagné pendant de nombreuses années. C'est toutes des invités pour ce deuxième disque et dernier disque de Martin Offord qui s'est retiré de la scène musicale. Le disque a pour titre The Old Road. Ce sera suivi de Psychedelic Ensemble, l'album The Dream of the Magic Magic Jongleur, ça c'est en français. Projet mystérieux d'un multi-instrumentiste américain qui ne signe pas, donc anonyme. C'est son troisième album, donc de Psychedelic Ensemble. Et bien, on y va avec Martin Offord de l'album The Old Road. Hail the kings of your creation. Guise de conclusion ce soir, ben, je vais vous présenter un album publié en 1993, un groupe français qui a pour nom Chance, et l'album avait pour titre, ou a pour titre encore, Dune. C'est un projet du claviériste Laurent Simonet, et puis il y a un deuxième album qui a suivi quelques années plus tard, depuis pas de nouvelles pour Chance. Mais c'est déjà le temps de vous quitter, donc je vous invite à rester des nôtres. C'est l'autoroute de dans quelques instants. Et puis, ben, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de CKRL 89.1.